traqué par la sociale, traqué comme un animal que l'on veut zoologer. Dupé entre polémiques et rimes politiques par la polichinelle. Mais dans son automobile, au loin le jour se défile, et plus vite les peupliers se resserrent, se resserrent sur cette route étroite, ce canal qui ne file pas, ces lumières rétrovisées. Ces sirènes tapantes, cette sueur ruisselante. Respirez, respirez. Mais dans un mauvais virage, dans un fracas d'orage, au pied du dernier peuplier, s'est éteint le passager. Traqué comme un animal, l'on veut zoologer. Dupé entre polémiques et rimes politiques par la polichinelle. Mais dans un mauvais virage, dans un fracas d'orage, au pied du dernier peuplier, s'est éteint le passager. Au pied du dernier peuplier, s'est éteint le passager.